الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. Allah Ta'ala dit « Inna akramakum indallahi atqakum » font partie des plus honorables d'entre vous, ceux qui font le plus preuve de piété. Ce verset nous indique que le mérite, selon le jugement de Allah, qui a plus de mérite que qui d'autre, c'est en fonction de la piété. C'est plus la personne est pieuse, plus elle a du mérite selon le jugement de Allah. La piété, at-taqwa, c'est de s'attacher à l'obéissance à Dieu. La piété, at-taqwa, c'est de s'attacher à l'obéissance à Dieu en accomplissant les devoirs et en évitant les péchés. En accomplissant les devoirs et en évitant les péchés. Plus la personne est pieuse, plus elle a un degré élevé. Plus la personne est pieuse, plus son degré est élevé selon le jugement de Allah. Notre maître Muhammad, alayhi salatu wassalam, est parmi les créatures de Allah, celui qui est le plus honorable, celui qui a le plus haut degré. Pourquoi? Parce que il est le plus pieux de toutes les créatures de Allah. C'est celui qui a le plus de piété à l'égard de Allah. C'est celui qui craint le plus Allah. Il est celui qui craint le plus Allah. Et la piété prend son origine dans le cœur. La piété prend son origine dans le cœur, ensuite elle va déborder et englober, c'est-à-dire ses traces sont sur tous les organes. C'est-à-dire elle prend son origine dans le cœur et elle se manifeste sur les organes. Car le cœur, pour le corps d'un être humain, est comme un roi pour ses administrés. Le cœur, dans le corps humain, c'est comme un souverain par rapport à ses sujets. Tout comme le roi, c'est lui qui dirige ses sujets, de même le cœur dirige le corps. Le cœur dirige le corps. C'est le cœur qui dirige l'ouïe, c'est le cœur qui dirige les mains, c'est le cœur qui dirige la langue. La langue, elle exprime ce qui provient du cœur. La langue exprime ce qui provient du cœur. Le sexe également. Si le cœur va pousse vers quelque chose d'interdit, il va vers ce qui est interdit. Et si le cœur l'en empêche, alors il s'en abstient. Le cœur dirige les organes. Le cœur dirige les organes. Le cœur dirige l'ouïe. Le cœur dirige la vue. Le cœur dirige les pieds. Le cœur dirige le ventre. Si le cœur permet au ventre de consommer, alors il va consommer tout ce qu'il désire. Si le cœur permet au ventre, il va consommer tout ce qu'il désire, que ce soit quelque chose de licite ou quelque chose d'interdit. Donc, où qu'il oriente les organes, le cœur, alors les organes vont suivre. Le cœur a donc un pouvoir sur les organes. Le cœur, c'est ce qui dirige les organes. Comme il en est ainsi, la foi est par le cœur. La foi, la croyance en Dieu et en son messager, elle est dans le cœur. Si le cœur est sain, si le cœur est bon, alors les organes seront sains, les organes seront bons. Si le cœur est droit, les organes seront droits. C'est pour cela que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme son cœur est plein de crainte de Dieu, comme le cœur de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est rempli de la crainte de Dieu, il est rempli de l'amour de Dieu, il est rempli de glorification de Dieu, son cœur, le cœur de notre prophète, comporte ce que aucun autre être humain, le cœur d'aucun être humain ne comporte. Ce que aucun ange, même des plus hauts degrés, ne comporte. Parce que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est le plus honorable et le meilleur de toutes les créatures de Allah. Notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il est le plus honorable et le meilleur de toutes les créatures de Allah. Mais on ne dit pas que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il sait tout ce que Allah il sait. Tout comme on ne dit pas que notre maître Muhammad il pardonne les péchés. Allah, c'est lui qui pardonne les péchés. Et le messager, il ne sait pas tout ce que Allah sait. Le messager, il sait ce que Allah lui a donné à savoir. Donc le mérite, ce n'est pas l'âge ou la durée de vie qui fait le mérite de la personne. Le mérite est par ce que Allah accorde. Ce n'est pas l'âge de la personne qui fait son mérite. Et les meilleurs des prophètes sont au nombre de 5. Les meilleurs des prophètes sont au nombre de 5. Notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur des 5. Si le mérite était relatif à l'âge, alors notre maître Nuh alayhi salam aurait été meilleur que notre maître Muhammad, que notre maître Ibrahim, que notre maître Moussa et que notre maître Isa, alayhi salam. Or, notre maître Muhammad, alayhi salatu salam, est celui d'entre eux qui est mort le plus jeune. Il est mort à l'âge de 63 ans. Même notre maître Isa, alayhi salam, il n'est pas mort encore, mais quand il va redescendre sur terre, il va vivre et il va rester plus que l'âge de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nuh, il est resté après que il a eu la révélation, il est resté 1000 années moins 50, c'est-à-dire 950, à appeler son peuple à l'islam. Et après cela, il a vécu, selon certains, 60 ans et selon d'autres, 300. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a fait que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son cœur comporte plus d'amour pour Dieu, plus de crainte pour Dieu qu'aucune autre créature et qu'aucun autre ange. C'est pour cela notre maître Mohammed, alayhi salatu wassalam, il est le meilleur de toutes les créatures de Allah. Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce qu'a rapporté Ibn Hibban, du hadith de Jabir ibn Abdullah al-Ansari, il a dit: Inna awla nasi bi al-muttaqoon, man kanu wa haythu kanu. Ceux qui ont un degré le plus élevé, ceux qui sont le plus prioritaires pour mon amour pour eux, ce sont les pieux, quel qu'il soit et où qu'il soit. Donc le messager, alayhi salatu wassalam, nous indique que ce qui compte, c'est d'être pieux. Celui qui est plus pieux que l'autre, il est plus proche du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une proximité, ce n'est pas une proximité physique. C'est-à-dire que les croyants qui craignent Allah, qui font preuve de piété, qui accomplissent les devoirs, qui évitent les péchés, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur race, c'est eux qui sont les plus proches du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même si physiquement ils sont éloignés de lui par la distance. Et dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, d'après Abi Dharr, Jundub ibn Junada, Abi Abdurrahman, Mu'adh ibn Jabal, que Allah les agrée tous les deux, Ittaqillaha haythuma kunt, c'est-à-dire fais preuve de piété à l'égard de Allah où que tu sois. Fais preuve de piété à l'égard de Allah où que tu sois. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où se trouve la personne, elle doit faire preuve de piété à l'égard de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire faire preuve de piété à l'égard de Dieu? C'est-à-dire accomplir les obligations, c'est-à-dire ce que Allah nous a ordonné d'accomplir comme acte d'adoration, et éviter les péchés. Celui qui est ainsi, celui qui est pieux, qui accomplit les obligations, qui évite les péchés, il est dans un bon état selon le jugement de Allah. Son état, il est bon. Donc ce qui compte, ce n'est pas d'être de la famille d'un tel. Ce qui compte, ce n'est pas d'être descendant du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui compte, c'est d'être pieux, c'est-à-dire d'être de ceux qui accomplissent les devoirs et évitent les péchés. Ce qui compte, c'est le croyant accomplisse les devoirs et évite les péchés. Ensuite, peu importe où il se trouve géographiquement, peu importe l'endroit où il se trouve, qu'il soit à l'extrême-orient ou l'extrême-occident, ce n'est pas cela qui importe. Du moment qu'il est pieux, du moment qu'il accomplit ce que Allah a ordonné d'accomplir et qu'il évite ce que Allah a interdit de faire. Bien sûr, le mérite est par la piété, mais si en plus de la piété, la personne se trouve être descendante du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une immense grâce qu'Allah lui a accordée. Si quelqu'un est pieux et en plus il est descendant du prophète, alayhi salatu wa sallam, ça c'est une grande grâce. Allah tabaraka wa ta'ala dit: Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. C'est dans Sourate Al-Fath, le verset numéro 29. Allah Ta'ala fait l'éloge de notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam et des compagnons. Et dans ce verset, Allah dit وَالَّذِينَ مَعَهُ, c'est-à-dire tous ceux qui ont cette caractéristique que Allah décrit dans ce verset. Quelles sont les caractéristiques que Allah a décrites dans ce verset? C'est-à-dire que la personne soit miséricordieuse envers les musulmans et qu'elle soit ferme contre toute désobéissance et toute mécréance. Miséricorde envers les musulmans et ferme contre toute désobéissance et toute mécréance. Et de persévérer dans l'accomplissement de la prière. Donc une autre caractéristique dont Allah a fait l'éloge dans ce verset, en plus d'être miséricordieux envers les musulmans, d'être ferme contre toute forme de mécréance, contre toute forme de désobéissance, d'accomplir la prière, c'est-à-dire de la manière régulière, et d'avoir la bonne intention, c'est-à-dire lorsqu'on en accomplit les actes d'obéissance, comme d'écouter un cours de sciences de religion, de le faire pour gagner l'agrément de Dieu, pour gagner des récompenses de la part de Allah. Allah les décrit par sa parole, سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ, c'est-à-dire qu'on voit le rayonnement de leur foi, cette foi qu'ils ont dans le cœur, rayonne sur leur visage. Quand nous voyons ceux qui sont pieux, on voit sur leur visage les traces de cette piété. Et les voir nous incite et nous fait rappeler l'évocation de Allah. Donc ici, سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ, ça ne veut pas dire qu'ils ont la trace sur le front parce qu'ils posent la tête sur le sol quand ils se prosternent. Ce n'est pas cela qui est visé. Les pieux, quand on les voit, ils nous incitent, ils nous rappellent l'évocation de Allah. Il est parvenu dans le hadith خير العباد الله خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله, font partie des meilleurs des esclaves de Allah, ceux qui lorsque on les voit, on se rappelle l'évocation de Allah. Il nous rappelle l'obéissance à Dieu. Un des gens qui sont pieux, c'est notre maître Zunnun al-Masri. Zunnun al-Masri, il s'appelle Thauban, fils de Ibrahim. Il était noir de peau. Thauban ibn Ibrahim, il était noir de peau. Il était du Soudan, de la partie du Haut Nil, c'est-à-dire du sud, au-dessous de l'Égypte. Et il avait un très très bel aspect. Il était très beau. Et Allah lui a donné beaucoup de sciences. Zunnun al-Masri, Allah lui a donné beaucoup de sciences. Parmi les paroles les plus connues de lui, c'est sa parole مَهْمَا تَصَوَّرْتَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ, quoi que tu imagines en ton esprit, Allah n'est pas ainsi. C'est-à-dire que Allah, il n'a pas de forme. Allah, il n'a pas d'aspect. Allah, il n'a pas d'image. Parce que Allah, il n'est pas un corps. Allah est le créateur des corps, il n'est pas un corps. Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah n'est pas ainsi. Voilà un de ceux qui étaient pieux. un qui ont atteint un grand degré de piété, qu'est-ce qu'il a dit? Et Thauban ibn Ibrahim, il réunissait les gens et il leur enseignait le bien pour les sauver des péchés, pour les sauver de l'interdit. L'interdit, le péché, est une source de danger pour la personne. Pourquoi? Parce qu'au jour du jugement, la personne va rendre des comptes. N'est-ce pas que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, est passé devant deux tombes de musulmans. Et il a dit que ces deux musulmans étaient en train de subir un supplice dans leur tombe. Allah lui a dévoilé leur état. Pour quelque chose que les gens ne considéraient pas comme grave. C'est-à-dire, ils sont en train d'être punis dans leur tombe avant le jour du jugement. Pour quelque chose que des gens pourraient ne pas considérer comme grave. Et pourtant, ce sont des choses graves. L'un des deux se souillait avec l'urine. Quand il urinait, il se salissait le corps ou le vêtement avec l'urine. Et l'autre, il rapportait la parole des uns aux autres pour semer la zizanie, pour semer la discorde entre les gens. Donc le péché est dangereux pour la personne. Quand tu vois ton enfant qui veut toucher le feu, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis non, tu ne vas pas le laisser, parce que tu sais que c'est dangereux. Aussi, quand tu vois quelqu'un qui commet un péché, tu ne le laisses pas, parce que tu sais que c'est dangereux. Comme tu as peur pour ton enfant qu'il touche le feu, tu as peur pour les gens qui ne tombent dans les péchés. C'est pour cela que Allah nous ordonne « وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ » C'est-à-dire, aidez-vous les uns les autres pour l'obéissance à Allah, pour la piété. Rappelez-vous, si quelqu'un tombe dans l'insouciance, rappelez-vous, réveillez-le pour qu'il vienne, pour qu'il écoute ce qui lui sera utile. Et quand quelqu'un va commettre un péché, rappelez-lui, dites-lui que c'est dangereux pour lui de commettre ce péché. Entraidez-vous pour le bien et la piété et ne vous entraidez pas pour la désobéissance et l'injustice. Donc, Zunnun al-Misri, il réunissait les gens pour leur profiter, pour leur enseigner. Un jour, il est parti au bord du Nil. Comme on a dit, il était du sud de l'Égypte. Donc il est parti au bord du Nil pour laver ses vêtements. Alors qu'il allait laver ses vêtements, il a vu un grand scorpion. Un grand scorpion qui se dirigeait vers le bord du fleuve. Le Nil, c'est un grand fleuve. Donc il allait vers le fleuve. Il a eu peur, il a demandé à Allah qu'il le préserve de son mal. Parce que la piqûre du scorpion est très nuisible et peut même tuer. Zunnun al-Misri s'est mis derrière un arbre pour voir qu'est-ce que ce scorpion allait faire. Le scorpion s'est arrêté au bord de l'eau. Il n'est pas rentré dans l'eau. C'est alors qu'un gros crapaud est sorti de l'eau et s'est rapproché du scorpion. Le scorpion est monté sur le dos du crapaud. Et le crapaud s'est mis à nager. Et Zunnun al-Misri, il était étonné. Parce qu'habituellement, ce n'est pas, ça ne se passe pas comme ça. Donc il a vu le scorpion sur le dos du crapaud. Le crapaud s'est mis à nager. Et il a emmené le scorpion à l'autre rivage. Donc, le crapaud a aidé le scorpion à traverser le fleuve. Zunnun al-Misri, qui était derrière l'arbre, était étonné. Il s'est dit qu'il y a certainement quelque chose de particulier. Ça ne se produit pas de manière fortuite. Il a enlevé son châle et il est descendu dans l'eau pour rattraper le crapaud et le scorpion pour voir qu'est-ce qui va se passer après. Le crapaud avec le scorpion sur son dos est arrivé à l'autre bord du fleuve. Quand ils sont arrivés, le scorpion est descendu du dos du crapaud et s'est mis en avant, il s'est mis à avancer droit devant. Entre-temps, Dhunun al-Misri a lui aussi traversé et il a rattrapé le scorpion. Et de l'autre côté du fleuve, il y avait de beaux arbres verts. Et par terre, donc sur le sol, il y avait de grosses herbes et des fleurs qui sont plaisantes pour le regard. Dhunun a marché à la trace du scorpion jusqu'à arriver au niveau d'un arbre qui avait beaucoup de branches. Et là, sous l'arbre, il y avait un beau jeune homme, mais qui était endormi. Et à la main, il avait une bouteille qui contenait du vin. Donc c'est clair que, apparemment, ce jeune homme s'était enivré. Et donc l'odeur était perceptible tout autour. Le scorpion s'est rapproché de ce jeune homme, et Dhunun était étonné. Il s'est dit, comment ce scorpion qui est venu de l'autre bout du fleuve, jusqu'ici, pour piquer ce jeune homme? Et à ce moment-là, une grande vipère est apparue des branches de cet arbre. La vipère se dirigeait vers le jeune homme. Et Dhunun était en train d'observer. Il essayait de trouver une branche pour frapper la vipère et le scorpion. C'est alors que le scorpion a sauté sur la tête de la vipère et l'a piqué. La vipère est morte. Puis le scorpion est revenu au bord du fleuve. Il est remonté sur le dos du crapaud qui l'attendait et il l'a ramené sur le premier rivage de Annil. Entre-temps, le jeune homme s'est réveillé. Dhunun lui a raconté ce qui s'est passé. Ce jeune homme a alors fait le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala après qu'il a su que cette chose qui s'est produite, c'est Allah ta'ala qui a créé ces causes pour le protéger. Certains, Allah Ta'ala leur donne des signes pour qu'ils fassent le repentir. Ça, c'est un signe de bien pour la personne. Mais d'autres, ils restent dans leur sommeil. Ils restent dans leur plaisir. Ils restent dans leur désir. Ils restent dans leur ignorance. Et comme l'a dit le quatrième calife, notre maître Ali, pour Allah l'agré, les gens sont comme endormis. Les gens sont comme endormis. C'est lorsqu'ils meurent qu'ils se réveillent. Quand vient l'ange de la mort, là ils se réveillent, ils prennent conscience. Mais sinon, ils sont comme dans une grande léthargie. Et certains, ils courent derrière le bas-monde, ils courent derrière les bienfaits du bas-monde, les plaisirs du bas-monde, mais ils ne pensent pas à l'au-delà. Alors que la personne, elle aura dans l'au-delà ce qu'elle aura construit dans ce bas-monde. Si tu as construit dans le bas-monde quelque chose de bien, tu le retrouveras dans l'au-delà. Mais si tu n'as pas construit ta maison dans l'au-delà, alors tu ne retrouveras pas. Tu vas récolter ce que tu as semé. Si tu as semé du bien, tu récolteras du bien. Si tu n'as pas semé du bien, tu ne récolteras pas le bien. Donc, ceux-là, ces gens-là qui sont pieux, comme Dhunun al-Misri, Allah Ta'ala nous a décrit leurs caractéristiques dans le Coran. Et ils ont également été cités dans At-Tawrat. Dans At-Tawrat également, ils ont été décrits, c'est-à-dire dans le livre qui a été révélé à notre maître Moussa, alayhi salam. Et notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé à Abu Dharr al-Ghifari ses caractéristiques. Abu Dharr al-Ghifari, que Allah l'agré, a dit « Awsani khalili bi khisalin min al-khayr » c'est-à-dire « mon bien-aimé ». Il parle de qui? Il parle du prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Dharr al-Ghifari a dit « mon bien-aimé », c'est-à-dire « Muhammad ». Muhammad, le prophète arabe. Muhammad, le fils de Abdullah. Il m'a donné des conseils de bien. Awsani bihubbi al-masakini wad-dunuwi minhum. Il m'a recommandé d'aimer les gens qui sont modestes et d'aimer les gens qui ne sont pas orgueilleux et de me rapprocher d'eux, d'être à leur côté. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait les gens qui étaient modestes. Et Abu Dharr al-Ghifari a dit wa awsani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi. Il m'a recommandé aussi de considérer les gens qui ont moins que moi, c'est-à-dire des biens du bas monde, qui sont moins pourvus que moi, et de ne pas me comparer avec ceux qui ont plus que moi. Il m'a recommandé de considérer ceux qui ont moins de biens matériels que moi, et de ne pas me comparer avec ceux qui sont plus pourvus que moi. C'est-à-dire des choses du bas-monde, c'est-à-dire de voir plutôt les pauvres et pas de voir les riches. Parce que celui qui veut se comparer toujours aux riches, il va dénigrer les bienfaits que Allah lui a accordés. Il va devenir de plus en plus cupide. Il va devenir insatiable. Il ne va pas remercier Allah pour les nombreux bienfaits. Parce qu'il va être tout le temps, il va réfléchir tout le temps par comment avoir autant que ces gens qui sont riches. Il va se noyer dans les sujets du bas monde et il va se mettre à ramasser l'argent, même de voie interdite, et que cela ne lui importe plus, pourvu qu'il ait plus. Par contre, s'il avait de la considération, s'il observait ceux qui ont moins que lui, alors il va remercier encore plus Allah. Non seulement il va remercier encore plus Allah, mais en plus il va être plus généreux. Il va donner de ses biens pour aider ceux qui ont moins que lui. Et il a dit, Abu Dharr, wa awsani bi an asila rahimi wa an adbarat. C'est-à-dire, mon bien-aimé m'a recommandé d'entretenir les relations avec mes proches parents, même s'ils coupent les liens avec moi. Même si ton proche parent rompt les relations avec toi, même si ton proche parent il est ingrat, tu entretiens les liens avec lui. Même s'il te fait du mal, il convient que tu te comportes bien et que tu ne romps pas les relations avec lui. Celui qui entretient les relations avec ses proches parents, qui coupe les liens avec lui, aura plus de récompenses que celui qui entretient les relations avec ses proches parents, qui entretient les relations avec lui. Parce qu'il aura plus de mérite, celui qui entretient avec ceux qui ont coupé avec lui, il aura plus de mérite parce qu'il agit de manière opposée à ce que son âme désire. Il agit de manière contraire à la facilité que recherche son âme. Et le troisième conseil que Abu Dharr cite du messager, alayhi salatu wassalam, il a dit وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرَّا. Et il m'a recommandé de dire la vérité, même si elle est amère. Il m'a recommandé de dire la vérité, même si elle est amère. C'est-à-dire, de dire la vérité en face de celui qui aime l'entendre et en face de celui qui n'aime pas l'entendre. De dire la vérité en face de celui qui aime entendre la vérité et en face de celui qui n'aime pas entendre la vérité. Et il lui a dit également, il a donné un autre conseil. Il lui a dit « وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » Il lui a dit de dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois la phrase « لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » Ce hadith a été rapporté par Al-Bayhaqi. Ce hadith a été rapporté par Al-Bayhaqi. Alors, « لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith innaha kanzun taht al-arsh. C'est un trésor qui est caché pour la personne sous le trône. La hawla wa la quwwata illa billah, celui qui l'a dit, c'est comme s'il est en train de se constituer un trésor qui sera caché sous le trône. De plus, cette parole a beaucoup d'intérêt. Cette phrase, la hawla wa la quwwata illa billah, a beaucoup d'intérêt. Entre autres, elle délivre du tourment. Celui qui est tourmenté, qui a des problèmes, il a peur que des choses mauvaises se produisent. C'est ça le tourment. Le tourment, c'est quand tu es en train de cogiter et tu as peur que quelque chose de mauvais se produise. Tu es tourmenté. On appelle en arabe al-ham. On dit que quelqu'un, il est mahmoum, il est tourmenté. Donc, un des meilleurs remèdes au tourment, c'est cette parole. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu prends une subha et tu en fais. 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, tu fais. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça délivre du tourment. Et ça délivre aussi du waswas. Ça délivre du waswas. Certains, ils peuvent être en proie aux mauvaises suggestions, au waswas, au point d'en devenir fou. Certains, ils peuvent atteindre la folie à cause d'une mauvaise suggestion. Cette phrase, la hawla wa la quwwata illa billah, peut lui être bénéfique par la volonté de Dieu. Celui qui persévère à la dire, alors nécessairement, il verra la délivrance. Sa difficulté va changer en facilité. Allah Ta'ala a fait que cette parole, « La hawla wa la quwwata illa billah » comporte un grand secret, un grand bénéfice. Un de ces bénéfices, c'est la délivrance du tourment. Un parmi des dizaines. Et la signification de cette parole, c'est le reflet de la croyance de l'islam. Cette phrase, c'est une parole de tawhid. C'est une parole qui indique la croyance qu'il n'est de Dieu que Dieu. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette parole? Elle veut dire que personne ne peut faire du bien, personne ne peut accomplir d'obéissance à Allah, sauf avec l'aide de Allah. Personne ne peut accomplir un acte d'obéissance à Allah. Personne ne peut faire du bien, hormis, sauf avec l'aide de Allah. Et personne ne peut se protéger du mal. Personne ne peut éviter de désobéir à Allah, sauf grâce à la protection de Allah, sauf grâce à la préservation que Allah accorde. C'est-à-dire, quelle que soit l'ardeur, quelle que soit la force que l'homme a pour faire le bien, eh bien, cette force, cette motivation, cette ardeur, c'est un bienfait que Allah lui a accordé. C'est une grâce de la part de Allah. Qu'il remercie alors Allah pour lui accorder cela, pour lui avoir accordé cela. Celui à qui Allah facilite de faire le bien, qu'il remercie Allah, qu'il dise Alhamdulillah, qui ne se laisse pas aller à l'infatuation. Qu'il ne se laisse pas aller à l'infatuation. Qu'il se rappelle plutôt que c'est Allah qui lui a donné la capacité d'accomplir ses bonnes actions. Donc, sans l'aide de Allah, sans la prédestination de Allah, il n'aurait pas pu faire ses bonnes actions. Donc, si il a présent dans le cœur que ce bien qu'il fait, c'est par la prédestination de Allah, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas tomber dans Ar-Riya. Il ne va pas tomber dans l'insincérité. Il va être plutôt de ceux qui sont sincères, c'est-à-dire il va accomplir le bien uniquement pour l'agrément de Dieu. Celui qui fait un acte de bien, celui qui fait un acte d'obéissance, dans lequel il est sincère pour l'agrément de Allah, même si ce qu'il fait n'est pas quelque chose qui nécessite beaucoup d'efforts ou beaucoup de moyens, grâce à cela, il aura une très grande récompense. Grâce à la sincérité, il aura une très grande récompense. Comme celui qui a donné une pièce alors qu'il ne possédait que deux pièces. Il a donné un euro et n'avait que 2 euros. Il a donné la moitié de tous ses biens. Il est sûr, il se fie à Dieu. Il n'a gardé que la moitié. Il a donné la moitié, il garde la moitié. Eh bien, la récompense de cette pièce qu'il a donnée sera meilleure que la récompense de celui qui a donné des milliers ou des millions, qui représente une petite partie de sa grande fortune. Donc, en fonction de la certitude, en fonction de sa croyance en la toute-puissance de Dieu, que Allah est celui qui crée toutes choses, en fonction de sa sincérité, la personne sera récompensée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a beaucoup insisté sur la sincérité. Aussi, il est très important que la personne, quand elle accomplit un acte, elle veille à ce que cet acte soit conforme à la loi de Dieu. C'est-à-dire que, non seulement il doit veiller à ce que son intention soit correcte, mais il doit veiller aussi que l'acte soit correct, que ce qu'il fait est conforme à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les portes du bien sont très nombreuses. Il est parvenu dans le hadith sahih que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Tuftahu abwab al-jannati yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis. Fayaghfiru Allah li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulan baynahu wa bayna akhihi shahna. فَيُقَالُوا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. Dans le hadith sahih, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie: les portes du paradis sont ouvertes tous les lundis et tous les jeudis. Tous les lundis et tous les jeudis, les portes du paradis sont ouvertes. Et Allah pardonne à tout esclave qui n'est pas sur une autre religion que l'islam. Allah pardonne sur tout esclave qui n'est pas sur la religion de l'islam, qui n'attribue pas d'associé à Dieu. Sauf si ce sont deux musulmans qui se sont disputés, qui ont de l'animosité l'un envers l'autre. Sauf si ce sont deux musulmans qui ont de l'animosité l'un envers l'autre. Il sera dit: laissez cela, il ne leur sera pas pardonné jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. C'est-à-dire que le sens de ce hadith est que le lundi et le jeudi, ce sont les deux jours dans lesquels Allah pardonne le plus les péchés. Mais malgré cela, il sera dit aux anges à deux qui ont de l'animosité l'un envers l'autre, qu'il ne leur sera pas pardonné à ces deux-là. Mais attention, quand dans le hadith, le prophète a dit il est pardonné à tous les croyants, ça ne veut pas dire qu'il leur sera pardonné la totalité de leurs péchés. Dans le hadith, quand il est dit qu'il est pardonné à tous les croyants, ça ne veut pas dire tous leurs péchés. Mais ça veut dire qu'à certains croyants, certains musulmans, il leur sera pardonné tous leurs péchés, et à d'autres, il leur sera pardonné une partie de leurs péchés. C'est pour cela que les lundis et les jeudis ont un mérite sur le reste des jours, d'un certain point de vue, de ce point de vue-là. Mais d'un autre point de vue, c'est le vendredi qui a un plus de mérite. Le vendredi, c'est le meilleur des jours de la semaine. Le vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine. Donc les prophètes et les saints, ils savent que chacun est sous la prédestination de Allah. Quand ils voient quelqu'un qui est actif, quand ils voient quelqu'un qui est intelligent, qui accomplit les actes d'obéissance, qui évite les péchés, ils savent que cela, c'est par la prédestination de Allah. C'est Allah qui aide cet esclave à être actif et d'être vigoureux dans l'obéissance. Et ceux qui ont un autre état, c'est-à-dire ils ne sont pas actifs dans l'obéissance, au contraire, tu vois qu'ils sont paresseux, tu vois qu'ils commettent des péchés, ils savent également que c'est Allah qui les a créés ainsi. Tous les humains sont descendants de Adam. Le père de tous les humains, c'est Adam. Mais malgré cela, vous pouvez constater de vous-même cette grande variété. Parfois, une mère et un père, ils ont des enfants, et les enfants sont très différents les uns des autres. Et tu trouves parfois un prophète et qui a son fils qui n'est pas musulman. Et tu vois quelqu'un qui n'est pas musulman et son fils est prophète. Ibrahim, alayhi salam, son père n'était pas musulman. Et il n'est pas entré en islam. Et Nuh, alayhi salam, un de ses fils, a refusé l'islam. Ça veut dire que ce qui compte, ce n'est pas l'ascendance et ce n'est pas la descendance. Ce qui compte, c'est d'obéir à Allah et d'accomplir les devoirs et d'éviter les péchés. Pour terminer, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agré, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Husnu dhanni min husni al-ibadah » rapporté par Ahmad et Abu Dawood. Le sens de ce hadith est que « Penser du bien » de Allah Ta'ala et fait partie des actes d'adoration. Penser du bien de Dieu fait partie des actes d'adoration. Il ne convient pas de comprendre, de penser du bien ce que les gens de commun croient. Qu'est-ce que les gens de commun croient? Ils disent, moi je pense du bien de Dieu, comment? Ils ne font pas les devoirs, ils ne font pas ce que Dieu leur a ordonné de faire. Ils commettent les péchés et ils disent « Allah, il pardonne. Allah, il est miséricordieux. » Et ils commettent les péchés ou ils n'accomplissent pas les devoirs. Celui qui œuvre en bien, lui, il pense du bien en Allah. C'est-à-dire qu'il espère le bien de Allah et il accomplit les actes d'obéissance. Aussi bien quand il est tout seul, isolé des gens, ou quand il est parmi les gens. Il est stable et il œuvre de manière régulière dans l'obéissance à Allah. Allah Ta'ala dit « Inna alladhina amanu والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Donc ceux qui accomplissent les actes d'obéissance correctement, eux ils espèrent la miséricorde de Allah et Allah est celui qui est miséricordieux. Eux ils espèrent la miséricorde de Allah et Allah est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Mais si quelqu'un n'accomplit pas les actes d'obéissance et il prétend penser du bien de Dieu, c'est quelqu'un qui s'est trompé. C'est quelqu'un qui s'est trompé. Al-Ghazali, il a donné un exemple, il a fait une analogie. Il a dit, c'est comme quelqu'un qui a semé, il a un champ, et il a semé des graines dans son champ. Et un autre, il a un champ, et il n'a pas semé de graines dans son champ. Et les deux espèrent avoir une récolte. Celui qui a semé et qui a espéré la récolte, c'est celui qui a œuvré dans l'obéissance à Allah et qui espère la miséricorde de Allah. Et l'autre, celui qui n'a pas semé de graines dans son champ et il espère la récolte, c'est comme celui qui n'a pas œuvré et il espère la miséricorde de Allah. Vous voyez? Ça, c'est une analogie. Tout comme quand, si tu vois un agriculteur, il a un champ. Il n'a rien fait. Il est devant les bras croisés, devant son champ, il dit, ah, j'espère que j'aurai une bonne récolte. Lui, c'est comme quelqu'un qui commet des péchés ou qui n'accomplit pas les actes d'obéissance. Et il dit, j'espère que Allah me fera miséricorde. J'espère que Allah me pardonne. Et l'autre, c'est celui qui s'est fatigué, qui a fourni des efforts, il a enlevé les mauvaises herbes, il a semé, il a entretenu, il a arrosé. Il espère une bonne récolte. C'est comme celui qui a jeûné des jours surérogatoires en plus du jeûne obligatoire. Il a fait des prières surérogatoires en plus des prières obligatoires. Il a assisté dans des assemblées de science du minimum obligatoire de la science. Il a assisté dans des assemblées additionnelles de science qui n'est pas d'ordre personnel, mais d'assemblées de science d'ordre communautaire. Lui, oui, c'est vrai, c'est légitime pour lui d'espérer. D'accord ? Que Allah Ta'ala fasse que nous soyons de ceux qui sont de meilleurs des deux exemples, de ceux qui sèment et qui espèrent la récolte, de ceux qui œuvrent et qui espèrent avoir les grandes récompenses. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi » Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le musulman qui est accompli, c'est le musulman qui ne nuit pas aux autres musulmans par sa langue ni par sa main. Le musulman qui est accompli, c'est celui qui ne nuit pas aux autres musulmans par sa langue ou par sa main. Donc que la personne apprenne qu'est-ce que Allah nous a ordonné de faire pour l'accomplir et qu'elle apprenne ce que Allah nous a interdit de faire pour l'éviter. Dernière information utile, notre cheikh, il lui a été posé la question, quelle est la raison pour laquelle certains n'ont pas le khushu' dans la prière? Ils n'ont pas dans leur cœur la crainte de Dieu. Il fait la prière machinalement, mais il n'a pas beaucoup de khushu' de crainte de Dieu. Le cheikh, il a dit, la raison, c'est parce que c'est l'insouciance qui s'est emparée de leur cœur. L'insouciance s'est emparée de leur cœur. Et là, le remède de cela pour avoir la crainte de Dieu dans le cœur, c'est comment faire? Eh bien, c'est en combattant les mauvais penchants de l'âme. Comment on combat les mauvais penchants de l'âme? Mujahadatun nafs. C'est en empêchant son âme de commettre les interdits. C'est en empêchant son âme de commettre les péchés et c'est en se rappelant de la mort. Parce que quand tu te rappelles de la mort, tu te dis, je vais profiter au maximum pour gagner des récompenses parce que ma vie elle est courte et elle va bientôt finir, donc je vais essayer d'accumuler le maximum de bonnes récompenses. Et donc, tu vas avoir cette crainte de Dieu dans ton cœur quand tu fais la prière. Allahumma ij'alna min 'ibadika al-khashi'in al-qanitin ya arhamar rahimin. Que Allah fasse que nous soyons au nombre de ces esclaves qui craignent Dieu et qui sont pleins de khushu dans leurs actes d'adoration. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم.